Chapitre deuxième. Un mois s'était écoulé. Je commençais à n'avoir plus de mon inconnu que ce vague souvenir qui vous reste d'un rêve. Mais je n'avais pas au moins mis en oubli ses conseils. La leçon avait été trop vive et acérée pour ne point m'être profitable. En vérité, une métamorphose entière s'était faite en moi. Non, je n'étais plus le même. Je n'étais plus cet enfant efféminé, ce narcisse follement amoureux de son image, qu'elle avait sur tant de justes fondements réprimandés. J'étais redevenu homme, enfin. Et je n'avais pas réformé seulement le luxe ridicule de mes parures. J'avais aussi corrigé la grossièreté de mon inconduite et remis quelque équilibre aux actions de ma vie. En un mot, partout, en public, aux assemblées, de même que seul et enfermé en mon logis, un invincible mouvement me forçait d'agir comme si j'eusse su être épié et observé, comme si j'eusse senti attaché sur moi un regard intéressé. Or, tandis que j'étais au milieu de cette grande ferveur d'amendement, un jour, ayant achevé de dîner, je me jetai sur mon lit afin de dormir la sieste. Mais je venais à peine de m'assoupir lorsque je fus soudain éveillé par le retentissement d'un coup violent frappé à mon chevet. Je me levai tout troublé. Je regardai autour de moi. Je visitai jusqu'au dernier recoin de ma chambre. Je ne vis rien. M'imaginant avoir rêvé ce bruit, j'allais me recoucher quand j'aperçus au pied de mon lit un billet cacheté roulé autour d'une petite pierre. Je supposai qu'il avait pu être lancé chez moi de la rue par une de mes croisées ouvertes, bien que leur jalousie et leur grillage serré eussent dû rendre la chose peu facile. Sans m'inquiéter pourtant de cette difficulté, j'ouvris précipitamment la lettre qui était ainsi conçue. Vous aurez pensé, mon ami, que je m'étais joué de vous, car je ne suis point venu à notre rendez-vous. J'ai failli à ma parole. Si j'ai eu ce tort, ne me le reprochez pas trop. J'en mérite bien un peu le pardon. Qui risque beaucoup, voyez-vous, a besoin de beaucoup réfléchir avant de se décider, et ne saurait se rassurer assez contre les périls de son imprudence. Voici un mois que je m'efforce de combattre et de vaincre ma passion. Mais c'est elle, au contraire, qui est victorieuse en cette lutte mortelle, où doit être tué mon honneur. Si je vous le sacrifie, c'est que je compte sans mesure sur le vôtre. Oui, votre prompte réforme m'est un sûr garant de votre discrétion. Celui qui a montré tant de docilité à mes avis ne paiera pas d'ingratitude, mon amour. Je n'ai point, donne Andresse, le loisir de vous en écrire davantage, mais ce soir, une chaise à porteurs vous attendra sous les arcades de San Pablo. Vous pourrez, sans inquiétude, vous laisser conduire par les gens qui la mèneront. Quel était le but de ce mystérieux billet? Qui l'avait écrit? Qui l'avait apporté? L'aventure ne se renouait ni moins étrange ni plus intelligible. Quel parti prendrais-je? J'avoue que je balançais avant de me déterminer. Voudrait-on s'amuser de moi seulement plus longtemps? Pensais-je, ou bien est-ce que sous l'appât de ce rendez-vous est caché le piège de quelque vengeance? Y aurait-il des dagues dans l'ombre de cette intrigue? Bon, m'écriai-je, portant la main à la poignée de mon épée. Est-ce que ma lame est moins longue d'une ligne que celle d'aucun brave de Valladolid? Par le Seigneur Saint-Joseph, quand on a dégainé mille fois en les tripots pour une once d'or, on peut bien aussi jouer sa vie, s'il s'agit de gagner une femme. Et je me décidai, sans plus hésiter, à tenter la fortune. La nuit venue, je m'en fus aux arcades de San Pablo. J'y trouvai deux nègres et un vieil écuyer en faction. Je me plaçai d'abord, sans mot dire, dans la chaise qu'il gardait et qui m'était évidemment destinée. Dès que j'y fus assis, ils enfermèrent la portière et les jalousies, de façon à m'intercepter absolument toute vue des objets extérieurs, puis ils se mirent en route et cheminèrent un long espace de temps. Enfin ils s'arrêtèrent. L'écuyer me vint ouvrir et, me prenant par la main, me fit monter au milieu d'une profonde obscurité un étroit escalier en colimaçon, au haut duquel, m'ayant introduit dans une pièce sans lumière, il se retira et me laissa seul. L'horizon ne s'éclaircissait guère pour moi. Je l'affirme cependant, les mouvements de mon âme étaient bien moins alors de frayeur que d'impatience. Je m'étais levé d'un fauteuil où le vieil écuyer m'avait fait asseoir. J'avais marché à tâtons dans cette chambre et je n'y avais rien trouvé qui dût me jeter en de grandes craintes. Mes pieds et mes mains n'avait rencontré que tapis souple et moelleux, meubles brodés et tentures de soie. L'air y était tout chargé d'odeurs de rose et d'ambre. Si la volupté a un parfum, c'était bien en ce sanctuaire qu'on le respirait. Mais où était la déesse cachée du temple? Quelle prodigue parure d'attrait angélique lui faisait mon imagination enivrée? Comme je la dotais richement de grâce et de jeunesse, comme elle allait être belle. Mais combien elle tardait à m'apparaître. En ces fantastiques exaltations, j'attendis peut-être 10 minutes qui me semblèrent bien 10 siècles. Enfin, une petite porte s'ouvrit, et une vénérable dame, en toque de gaze empesée, toute raide et toute guindée, s'avançant cérémonieusement vers moi, un flambeau à la main, me fit une profonde révérence. Une sueur froide me baigna le front. En quel infernal guet-apens je me vis tomber. L'astre s'était donc levé. J'avais devant les yeux ma glorieuse conquête. Ô bienheureux San Andrés, mon patron, vous qui, après la mort de vos dévots, gardez leur âme pendant 3 jours des griffes du diable, comme je vous suppliais alors de laisser la mienne à son sort, à l'heure de mon trépas, et de tirer en revanche ma personne des bras de ce fantôme sexagénaire. Madame va venir tout à l'heure, me dit la vieille, branlant la tête, tandis que j'achevais cette prière mentale. Madame va venir tout à l'heure, répétai-je. C'était donc la duègne qui m'avait parlé. Je remontais de l'enfer au ciel. Je fis à la bonne dame, à mon tour, une révérence plus profonde encore que n'avait été la sienne. Dans le transport de ma joie, j'eusse été capable, je crois, de l'embrasser. « Oui, madame va venir, » reprit gravement la duègne. « Veuillez, seigneur cavalier, prendre patience en goûtant ces rafraîchissements. » Et un page qu'elle appela posa sur un buffet un riche plateau garni de conserves, de biscuits et de flacons de vin. Je n'avais pas soupé. Sans me faire trop prier, je bus et mangeai un peu, après quoi la vieille sortira avec son page et sa lumière. Ma situation devenait de moins en moins alarmante. « Par San Diego, » me disais-je, « on ne traite pas si courtoisement un homme auquel on veut beaucoup de mal. » Je n'eus pas, au surplus, le loisir de creuser longtemps cette rassurante réflexion. La duègne reparut bientôt. Elle était accompagnée, cette fois, non plus de son page, mais d'une dame en basquine noire, à la taille souple et fine, dont je n'eus pas d'ailleurs le temps d'apercevoir le visage, car elle détournait la tête en entrant. Et pour plus de précaution, la maudite vieille, qui avait volé de sa main la faible lumière de sa bougie, ressortit soudain, refermant la porte sur elle, et la chambre se retrouva plongée dans les ténèbres. Je m'y serais cru vraiment laissé seul encore, n'eussent été les gros soupirs que j'entendais pousser à 3 pas de moi. Le cœur me battait fortement. Je m'étais levé du sofa où j'étais assis. Soudain, la dame s'élança vers moi, et me saisissant par le bras, me força de me rasseoir et se plaça près de moi. Ses premières agitations s'étaient insensiblement apaisées, car d'une voix douce et calme, où je reconnus bien celle de Madame Voilée du Prado. « Don Andrés, » me dit-elle, « croyez-vous franchement que celui qui expose sa vie aussi légèrement que vous l'avez fait ne montre pas ainsi plus de déraison que de tendresse ? Je conçois qu'un violent amour pour une merveilleuse beauté décide un homme de cœur à se mettre en de grands périls. Mais les défier sans avoir de tels motifs ne serait-ce point pure folie. Or vous, quelles raisons sérieuses vous ont déterminé en votre témérité? Savez-vous seulement pourquoi vous êtes ici? Savez-vous si je vaux la peine de vos dangers? Qui vous a dit que j'étais belle? N'ayant de moi nulle connaissance, vous ne me voulez pas persuader, j'imagine, que vous m'aimez. N'ayant point d'amour, c'est donc seulement avec de la curiosité que vous êtes venu. En vérité, je vous l'avoue, j'ai bien envie de me repentir de ce que j'ai fait pour vous. C'en est déjà trop, don Andrés. Ainsi, ne prétendez pas, quant à présent, davantage. Vous m'estimeriez peu si je n'attendais pas au moins la naissance de votre passion, pour vous octroyer ces faveurs plus hautes, qui ne doivent être le prix que d'un attachement longtemps éprouvé. Sur ma croix de Calatrava. Au milieu de l'obscurité où nous étions, après tous les préliminaires de notre entrevue, enfin l'exorde muet de la dame, cette spécieuse et subtile argumentation de son discours, avait bien quelque droit de me surprendre. Je n'avais pas cependant assez de simplicité pour me laisser convaincre que l'occasion était de celle que l'on perd, et je n'ignorais pas non plus que la vertu la plus chancelante est souvent la plus ingénieuse à peindre l'inopportunité de sa chute. De toute façon, jugeant que la dame ne se déplaisait point aux harangues fleuries et raisonneuses, je voulus faire preuve d'éloquence à mon tour et opposer ma logique à la sienne. « Je ne puis admettre, madame, répondis-je, la sévérité de vos jugements. Non. Se hasarder témérairement et sans espoir même de récompense, ce n'est point, comme vous dites, pure folie. C'est bien plutôt générosité et grandeur d'âme. Ce ne sont pas les cœurs vulgaires qui nourrissent et exécutent ces résolutions. Mais mon tort est d'être venu ici sans vous connaître. Je n'en savais pas assez de vous pour vous aimer, dites-vous encore. C'est vrai, madame, j'en savais bien peu de vous. La faute n'en était pas à moi, je pense. Au moins, vous ne le nierez pas, celui qui a tant risqué, et vous a été si docile, ayant entendu seulement quelques-unes de vos douces paroles, n'ayant jamais vu qu'une seule de vos mains, celui-là ne s'est pas montré indigne de votre intérêt et de votre choix. Il n'avait reçu presque rien, et il vous a donné beaucoup. S'il obtenait un peu plus, que ne devriez-vous pas vous promettre de lui ? N'ayez donc nul remords de vos commencements de bonté, madame, et faites-les au contraire, s'il se peut, plus généreuse. En achevant ces mots, n'imaginant rien qui pût mieux fortifier l'effet de ma péroraison, et fût plus capable de faire fléchir les résolutions de ma rigoureuse divinité, je m'étais jeté à ses genoux, et lui ayant saisi les mains que j'avais d'abord rencontrées, je les couvrais de baisers, sans qu'elle semblât faire de bien violents efforts pour me les retirer. Tout à coup un grand fracas se fit entendre qui parut venir de la rue. « Jésus, qu'est ceci ? » s'écria la dame, se levant soudain. Et au même moment la porte se rouvrit, et la duègne accourut toute troublée avec son flambeau qu'elle posa sur une table. Moi, j'étais demeuré agenouillé, ébloui et en extase aux pieds de madame, dont la lumière venait enfin de me révéler l'incomparable visage. Si critique que se fit la circonstance, je n'avais, je le jure, de regard et de pensée que pour l'admiration de sa céleste beauté. 20 épées m'eussent entouré alors et eussent eu le loisir de me clouer au parquet, avant que j'eusse songé à tirer la mienne pour écarter de mon cœur une seule de leurs pointes. « Quel est ce bruit, Dominga ? » dit la dame, d'une voix dont elle s'efforçait de réprimer le trouble. « Hélas, donna Josepha, » répondit la duègne, joignant les mains. « À moins que Notre-Dame del Carmen ne nous soit en aide, nous sommes tous perdus. À cette heure de la nuit, qui peut frapper ainsi en maître, si ce n'est le comte ?»« C'est vous, folle, qui nous perdrez avec vos sottes frayeurs, » s'écria la comtesse. C'était bien une comtesse, la chose était évidente. « Que parlez-vous de comte et que voulez-vous dire ? Je vais m'informer de ce qui se passe. Vous, emmenez Don Andrés en ma chambre et cachez-le dans le cabinet près de l'alcôve. » Puis, s'adressant à moi, « Et vous, que faites-vous, Don Andrés, prosterné ainsi qu'à la messe ? Avez-vous peur aussi, comme une vieille femme ? Voyons, soyez homme, relevez-vous et allez avec Dominga. » Arraché par la rudesse de cette apostrophe à mon extatique contemplation, je suivis la duègne à travers de somptueux appartements jusqu'à une pièce étroite et obscure où elle m'enferma. Avant d'y être replongé, j'avais vu clair au moins un instant dans les ténèbres de cette étrange nuit. Mais quel est-il advenir de cette alerte qui nous avait si brusquement interrompus au milieu de nos amoureuses plaidoiries ? Oh, je ne m'en souciais vraiment guère. Si j'avais vaguement une crainte, c'était celle de perdre l'espérance de ce bonheur qui venait de me luire. Mais je m'y arrêtai à peine. Toutes mes préoccupations s'absorbaient dans la pensée de cette belle et vaillante femme, à l'œil perçant et enflammé, au geste impérieux et violent. Quelle puissance de commandement avaient donc ses charmes ? C'était comme si elle m'avait ordonné de l'aimer. Et j'avais obéi tout d'abord, et je l'aimais. Et je sentais qu'elle avait irrévocablement fait de moi son esclave. Au bout d'une heure, peut-être, ce fut elle-même, elle seule, qui accourut me délivrer de ma captivité. « Venez, » me dit-elle, « Don Andrés, m'entraînant hors du cabinet. « Venez, nous sommes maintenant sauvés de tout danger. Mais ne m'interrogez jamais sur ce qui s'est passé. » Et il me jeta les bras au cou. Les heures qui nous restaient de la nuit furent rapides à s'enfuir. Avant que le jour parût, la comtesse me congédia, m'ayant reconduit jusqu'à la salle où m'attendait le vieil écuyer qui devait m'emmener dans la chaise comme j'étais venu, elle me serra fortement sur son cœur. « Songez-y bien, Don Andrés, » me dit-elle d'une voix qu'étouffait ses baisers d'adieu, « songez bien sur votre vie, qu'en sortant d'ici, vous n'avez rien vu ni entendu de ce que le hasard vous a fait voir ou entendre. Que vous ne savez ni mon nom ni mon rang, que vous oubliez tout. C'est déjà trop que mon visage vous ait été montré, qu'il vous rappelle pourtant que je vous aime, et que vous m'aimez, mais rien de plus, car je ne veux pas qu'autre mémoire ait d'autres souvenirs.